Jean Lebrun, le vif de l'histoire de la Pologne aux États-Unis. La remise en cause du droit à l'avortement est un sujet qui revient très régulièrement. Aux États-Unis, d'ici au mois de juin, la Cour suprême américaine prendra position sur ce droit. Depuis les années Trump, elle est composée aux deux tiers de juges conservateurs et elle pourrait donc le remettre en cause. Les États-Unis méritent leur nom. Le droit s'y construit à partir des États. Alors actuellement, une trentaine d'entre eux sur 50 sont républicains. Et 22 ont déjà restreint l'accès à l'avortement, mais en choisissant longtemps de contourner la jurisprudence issue de la Cour suprême. En 1973, à une époque où la majorité de ses 9 membres étaient progressistes, la Cour avait rendu le fameux arrêt Roe versus Wade, qui permettait l'avortement jusqu'à 22-24 semaines. Ce délai était bien supérieur à celui consenti par les législations contemporaines ou comparables d'autres États. En France, on discute encore en 2021 du passage de 11 à 14 semaines. La barre ayant été d'emblée placée très haut par les militantes pro-avortement de l'époque aux États-Unis, la partie de l'opinion qui n'y était pas prête ne s'apaisa pas, le point d'équilibre ne fut jamais atteint, la question cristallisa et devint déterminante à l'époque Trump. Les États hostiles ont longtemps défini des lois anti-avortement locales qui contournaient, je le disais, cet arrêt Roe versus Wade. Il s'agissait par exemple de rendre de plus en plus difficile l'accès aux cliniques qui pratiquaient l'avortement ou de diminuer les motifs le rendant possible. Et puis, la question des délais a été de plus en plus clairement posée et il s'agit cette fois d'obliger la Cour suprême à trancher dans le vif des contradictions qu'on a créées à dessein. Et c'est chose faite. La Cour suprême va se saisir de la question. Ses membres d'opinion conservatrice, vous l'avez dit, sont largement majoritaires. 2 ont été nommés par George Bush Jr., 3 par Trump. Et l'intention des présidents républicains, en choisissant ces juges, c'était clairement de changer la législation sur le sujet, peut-être même celle sur la contraception, et aussi d'augmenter les moyens d'action des églises. Celles-ci se sont en effet polarisées sur la question, au point que la Conférence épiscopale catholique des États-Unis envisage sérieusement d'excommuner Biden. Le président est catholique, mais de tendance trop libérale aux yeux d'évêques que les déclarations de Trump, en revanche, n'ont pas indisposé. Alors, si au moment de l'arrêt Roe-Wade, le délai de 22-24 semaines paraissait élevé pour une partie de l'opinion, une évolution s'est opérée. Il semble que la majorité des Américains soit maintenant en faveur du droit à l'avortement. Et le risque, évidemment, pour la Cour suprême, si elle descendait sa pente, serait d'apparaître comme prisonnière d'un parti extrême, alors que son autorité vient largement du consentement de l'opinion à ses décisions. Et va-t-elle s'exprimer sur un autre droit, le droit de vote, que s'emploie à limiter nombre d'États américains? Oui, voilà, en effet, que dans des États trumpistes, l'accès aux bureaux de vote s'avère de plus en plus difficile. Les républicains, qui n'ont toujours pas accepté la défaite de leur champion, font aujourd'hui prendre des mesures qui limite le nombre des bureaux de vote, là où résident des électeurs appartenant à des minorités qui leur sont défavorables. Fermeture des locaux dévolus, rétrécissement des horaires. On pense même à interdire la vente de boissons et de sandwichs, là où se formeront inévitablement des queues. Alors, les difficultés posées à l'accès aux cliniques libérales et maintenant la limitation assumée du suffrage qu'à ce rythme, on ne pourra bientôt plus dire universel. Les juges de la Cour suprême qui s'apprêtent à condamner l'avortement se disent souvent originalistes, c'est-à-dire qu'ils veulent maintenir ce qui était inscrit dans la Constitution au XVIIIe siècle. Et seulement cela. Alors, à ce qu'on sache, le droit de vote fait partie de ce socle originel. Jean Lebrun, le vif de l'histoire. France Inter.